地。 Dans le ghetto à 11h, ça m'écoute sur 10h. Tu m'aimes pas, mais je fais triquer ta sœur. Des descentes à toute heure. Je fume plus, mais je te débloque du terre. Je te pète au comique au poster. J'ai la rage, j'ai grandi sans mon père. Je te monte en l'air si tu parles de mon père. Avant de connaître le buzz, moi j'ai connu l'enfer. Tu dis de pute. En voilà moi qui allume le but. Génération pute, c'est devenu banal d'envoyer son cul. Arrête de rapper, t'as pas de vécu. Je marche partout dans ma ville, j'ai pas besoin de ta sécu. Pour du buzz, t'as c'est su. Écarte les couilles, la mumu. Sans cache, j'ai tremblé ta mémé. Tu veux ton tête, viens, on rentre dans l'allée. Tu me croises pas partout, pas que j'aurai à me balader. J'ai commencé le rap avec mon baladeur. Je vois la Ford Mondeo, on roulait à 2 à l'heure. Millions de vues, mais je suis toujours au secteur. Si il rate, prends des tartes, le guetteur. Si il rate, prends des tartes, le guetteur. C'est pour ceux qui font des poursuites en deux temps. Et tu pètes la dame, partage les mi-temps. Tu racontes nos vies, t'es un mytho. Mes potes font des poussettes en nos veto. Pour des sous, je me suis levé tôt. Pour les sous, des fois, je rentrais tard. J'ai des potes en mandat des potes. Ils tombent depuis des piges, normal que je dors tard. Terrain, j'ai le brassard, j'allais péno les coups froids imbéciles. Je suis pas le Montana, je peux plus sauter ta mère en un coup de fil. Sur le terrain, j'ai le brassard, j'allais péno les coups froids imbéciles. Je suis pas le Montana, je peux plus sauter ta mère en un coup de fil. C'est la guerre de la mère, tout le monde les doigts en l'air. Pour les decks et enquêtes qui font des descentes, tu fais du chier ta mère. C'est la guerre de ta mère, tout s'était en roue arrière. Tout le monde sait que c'est un menteur, mais lui jure quand même la vie de sa mère. Ça se prend des 10 ans de prison et ça se plaint pas. Des millions de soucis, mais j'oublie tout sur le Yamaha. Ça se prend des 10 ans de prison et ça se plaint pas. En bas de chez moi, ta-ta-ta-ta. J'suis dans le bain dans mon pote réveillé par les bruits des ratata. Continue, fais du bruit, gesticule, moi je sais que je te raterai pas. Des milliers d'abonnés, des millions de vues sur net, je m'y attendais pas. Moi je suis toujours le même, si tu fais le fou, je peux te laisser dans un sale état. Braquage de fourgon que t'as frappe à fourguer. Petit bout nos cheveux longs, une envie de la fourrer. Posé au quartier, les clients sont fouleurs. Si y'a les decks, mais la couche dans tes couilles. Ils braillent toute l'année, en vrai c'est des salopes. Y'a personne quand il faut sauter dans la foule. Ils braillent toute l'année, en vrai c'est des salopes. Y'a personne quand il faut sauter dans la foule. Il est où celui qui fait cracher les douilles? Il est où celui qui veut sortir un mousson? Ramène ton père, il va sucer le 12. Ramène ton oncle, il va goûter le 12. Ramène ton cousin, ramène ta cousine. Ramène les tous, ils vont chanter le blues. C'est la gueule de sa mère, tout le monde les doigts en l'air. Pour les decks et enquêtes qui font des descentes, tu perds du chier ta mère. C'est la gueule de sa mère, tout s'était en roue arrière. Tout le monde sait que c'est un menteur, mais lui jure quand même la vie de sa mère. Ça se prend des 10.